mais elle vient pas du mental, la colère. Elle vient d'une vue. Une vue objective d'un autre point. Puis là, c'est un peu comme si le mental il est mis en vibration, un peu comme un dentiste qui, avec des ultrasons, nettoie ses instruments. Donc, mais c'est très fort, ça. C'est très fort. Il y aurait moyen de rendre ça précis. Le problème, c'est que plus c'est précis, plus l'intellect va récupérer. Puis là, ça ne peut pas être intellectuel. C'est une colère contre l'intellect, en souvent, mais aussi contre des forces qui jouent avec l'intellect. Puis quand je parle des forces, pas voir ça comme des entités ou des affaires de même. Là, je parle de des forces, c'est-à-dire de l'inconscience, c'est-à-dire de quelque chose qui engendre un dynamisme puis qui n'est pas intégré par la conscience. Dans le sens, comme quelqu'un, je ne sais pas, moi, qui vit de l'anxiété, je ne sais pas pourquoi. Ça peut aider une colère mentale, une colère vibratoire. La colère, des fois, aide pour la volonté, c'est ça. Ben oui. La colère, ça, c'est très, très puissant. Il y a beaucoup de choses. S'il n'y avait pas la colère, il n'y aurait pas de rien. Là. Ça n'avancerait plus. Ça aide pour la volonté, oui. Comme quelqu'un qui vit une situation intolérable où il n'est pas respecté, c'est souvent par colère qu'il va trouver la volonté de s'en aller ailleurs. C'est très important, même. Puis on a tellement dénigré la colère. Alors qu'au fond, ça sert bien plus que la satisfaction, là.